بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. Donc nous continuons aujourd'hui dans la lecture de l'essai de traduction du livre de Cheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi rahimahullah et qui est intitulé Raddul Jawab ala man talaba minni adam tab'i al-kitab. Donc où Cheikh Najmi rahimahullah il était en train d'exposer les fautes et les déviances qu'il y a dans la méthodologie de Hassan al-Banna. Et donc le cheikh il est en train de discuter ici avec Abdelrahman bin Jabrin rahimahullah qui a défendu malheureusement Hassan al-Banna et c'est lui qui a dit à Cheikh Ahmed Najmi de ne pas publier le livre qui est Al-Mawrid al-Adl al-Zulal. Et donc là on s'était arrêté à une autre parole où donc l'auteur il va discuter donc dans cette lettre une parole de Abdullah bin Jabrin. Il va discuter, il lui a dit quant à ta parole que j'aurais déversé sur lui toute ma colère, hein. Alors, il lui a dit donc tu étais en train donc de déverser sur Hassan al-Banna toute ta colère. Donc là, ce n'était pas l'objectif de Cheikh Najmi rahimahullah. Quel est donc, comme on l'a vu donc, précédemment, il n'y a pas eu donc, quelque chose donc, de la dunya pour qu'il l'ait comme ennemi et qu'il déverse contre lui sa colère comme ça. Mais le Cheikh il est en train de faire un travail scientifique de réfutation des déviances qu'il y a dans sa méthodologie où il a dévié par rapport à la méthodologie du prophète et de As-Salaf As-Salih. Donc il n'était pas en train donc de l'insulter ou donc de déverser sur lui sa colère comme ça, hein, ou de se venger de lui. Donc là le cheikh lui a dit quant à ta parole que j'aurai déversé sur lui toute ma colère. Fin de citation. Le cheikh Najmi dit: Allah sait que je n'avais écrit ce livre que pour clarifier le vrai et dispenser le conseil aux créatures. Hein, c'est pour ce conseil, c'est pour nasiha. C'est pour dispenser et faire parvenir la nasiha à la umma. Parce que maintenant, beaucoup de gens, malheureusement, ils ne connaissent pas la voix de l'Ikhwan al-Muslimoun. Et donc, leur fondation, hein, que ce groupe il a été fondé, donc il ne cesse de susciter des troubles dans la Umma. Et la Umma ne cesse de tomber dans des crises et des problèmes et des troubles à cause de ce que ce groupe il a propagé comme idée dans la Umma et comme philosophie dans la Umma. Donc là, il lui a dit, donc le Cheikh, hein, Allah sait que je n'avais écrit ce livre que pour clarifier le vrai et dispenser le conseil aux créatures. Je l'espère, hein, et je ne prétends pas que je sois infaillible. Hein, voici mon intention, et je ne prétends pas que je suis infaillible. Hein, moi aussi, je commets des erreurs, je suis faible. Hein, mais c'est pas comme les erreurs comme ce qu'on est en train de discuter. Moi aussi, donc je commets des erreurs, c'est-à-dire dans le sens où donc moi aussi, donc je suis pas parfait. Hein. Et le Cheikh l'a cité, donc وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي. Il a cité donc ce verset de Al-Qur'an Karim, de la sourate Yusuf. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحْمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. Traduction rapprochée du sens de ce verset. Je n'innocente pas mon âme, car l'âme est incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, hein, ne la préserve du péché par miséricorde. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. Sourate Yusuf, Joseph, le verset 53. Et le Cheikh, après, il commente, il dit, s'il y avait dans mon livre une colère quelconque, hein, s'il y a quand même, vous trouvez que dans mon livre, qui est le Mawrid, hein, il y a une colère quelconque, Allah sait que c'est une colère pour lui. Hein, donc, c'est une colère pour lui. car personne ne concevrait que je me mette en colère contre un individu ne m'ayant pas fait une injustice particulière et qui était loin de moi temporellement et spatialement. Donc pourquoi donc il va se mettre en colère contre quelqu'un? Lui il est en Arabie Saoudite, l'autre il est en Égypte. Lorsque donc Hassan Benna était mort, Cheikh Najmi il était encore jeune, il était encore même à l'âge d'enfance. Pourquoi est-ce qu'il va se mettre en colère contre lui, hein, alors qu'il ne lui a pas fait un tort sur le plan terrestre, donc il ne lui a pas donc confisqué un bien ou déshonoré ou bien donc fait du mal à sa famille? Il n'y a rien de cela. Pourquoi il va se mettre en colère? Le Cheikh il a dit: j'implore Allah le sublime et le tout puissant afin qu'il fasse que mon œuvre soit sincère et visant sa satisfaction, hein, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il ne fasse pas qu'elle soit même partiellement animée par le plaisir de plaire à quiconque parmi les créatures. Certes Allah est audient et il exauce les invocations. D'accord, donc là il est en train de clarifier ce point. Et donc, je rappelle juste ici donc que le prophète alayhi salam, lorsque donc on lui faisait un tort, hein, donc pour sa personne, donc il endurait et il patientait. Mais lorsqu'on faisait quelque chose à l'égard de la charia, il se mettait en colère. Hadihi ghadba lillah subhanahu wa ta'ala. Donc kana يعني إذا انتهكت محارم الله donc يعني لم يقم لغضبه شيء, c'est-à-dire qu'il se mettait vraiment en colère lorsque donc il y a une transgression qui est comme le shirk ou comme la bid'a et ainsi de suite. Donc là la colère de ce donc comme celle que nous enseigne ici le prophète alayhi salam, c'est une colère qui est louable puisque le prophète il la faisait, hein. Et le prophète, il est, donc, il atteint le degré de la perfection humaine. Hein? Le prophète, il est parfait comme être humain. Yani, le Kamel al-Bashari. D'accord, donc là, il lui a répliqué sur ce point. Et puis, il va donc amener une autre citation de Ibn Zubrin. Il a dit aussi: concernant ta parole que tu avais trouvée dans mon livre, ce à quoi tu ne t'attendais pas de ma part. Hein, donc, fin de citation de la parole d'Ibn Zubrin. Je te demande, dit An-Najmi rahimahullah, je te demande, avais-je désobéi à Allah et à son messager? Hein, tu dis que tu as trouvé quelque chose dans mon livre que tu n'attendais pas de ma part. Hein? D'accord. Est-ce qu'il y a dans mon livre quelque chose qui contredit, hein, ce que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne? Hein? Et ce qu'il interdit, ou ce que son messager, alayhi salatu wasalam, il a ordonné ou bien il a interdit. Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon livre, hein, que tu critiques? D'accord? D'accord? Avais-je contrarié la législation islamique par la démonstration que j'avais entreprise du vrai? Hein? Est-ce que, donc, en composant ce livre, qui est le Mawrid al-Adb al-Zulal, fi man tuqida ala ba'd al-jama'at al-da'awiyya, ou le manhaj da'awiyya min al-akhta'i fi al-aqa'id wal-a'mal, est-ce que donc dans ce livre il y a une erreur comme ça de méthodologie ou de croyance et ainsi de suite que tu me reproches, hein? C'est-à-dire lui s'adressant à Ibn Zubrin, si on essaie d'expliquer comme ça donc sa réponse. D'accord, avais-je contrarié la législation islamique par la démonstration que j'avais entreprise du vrai, hein? N'est-il pas vrai qu'Allah Azza wa Jal avait pris le serment sur les gens des livres, hein, c'est-à-dire les savants, hein, c'est-à-dire les gens ayant détenu la science, qu'il les montre aux hommes, hein, et ne les taise pas, c'est-à-dire qu'il montre la vérité aux hommes et qu'il ne taise pas la vérité, hein. Il ne faut pas taire le vrai. Il ne faut pas donc lorsque donc on voit des égarements, hein, de ce genre, tels que les égarements sur le plan de ash-shirk, hein, ou les égarements des innovations, et ne pas conseiller les gens, hein. Quant au kaba'ir par exemple et des choses, donc vous pouvez conseiller donc la personne aller directement et conseiller la personne en tête à tête. Mais concernant Shirku Billah et concernant ces choses, hein, ce qui est dit dans une assise privée, on le garde comme cela privé. Et ce qui est dit, par exemple, en public, on doit le réfuter en public pour que ces choses donc, ne se propagent pas. Hein? Donc là, maintenant, les gens, ils essayent de mélanger et de confondre et de mélanger. Hein? Quelqu'un, il commet donc une erreur sur le plan de la croyance et ainsi de suite. Et donc, lorsque le savant, il la réfute, les gens, ou bien des gens comme ici, Zubrin, ils vont venir et dire, non, pourquoi parler de cet homme, et ainsi de suite. Il est en train de défendre, qui? Il est en train de défendre donc la personne, donc c'est-à-dire fautive. Il est en train de défendre la personne fautive. Au lieu de remercier le savant qui a fait l'effort de relever cette erreur et donc de la réfuter scientifiquement, lui, il est en train de s'acharner, hein, de s'acharner contre donc le savant, malheureusement. Très bien. Donc, et le cheikh, il a dit, n'est-il pas vrai que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hein, avait tenu le serment auprès de ses compagnons lors de son allégeance, lorsque le prophète recevait l'allégeance des sahaba, hein, d'accord? Donc, des éminents sahaba qui venaient donc lui prêter allégeance, comme quoi il signifie que leurs tribus, elles sont avec le prophète, alayhi wa sallam, hein. N'est-il pas vrai, ou bien n'est-il pas vrai qu'il, lorsqu'il tenait ce serment, donc, de la part des compagnons, hein, comme dans ces, comme c'est dans le hadith de Ubad ibn Samit, hein, et qui est objet d'accord entre Bukhari et Muslim. بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأثرة علينا وألا ننزع الأمر أهله. D'accord, donc il fait allusion à ce hadith à peu près, ou comme قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. Donc là, le hadith de Ubad ibn Samit, c'est un hadith qui est célèbre et qui est connu et qui est objet d'unanimité, hein, ou bien d'accord, متفق عليه بين البخاري ومسلم. C'est-à-dire il est cité chez Al-Bukhari et chez Muslim aussi, les deux sahihain, les deux grands recueils authentiques donc des musulmans, en disant, hein, et que nous ne proférions le vrai, ou bien et que nous proférions le vrai, et que nous proférions le vrai où que nous soyons, hein, d'accord, sans que le blâme de n'importe qui ne nous en empêche, hein. D'accord, la ta'khuduna fi Allah, hein, ou fi al-haqq lawmat la'im. Wa an naqula al-haqq, hein, où que nous soyons, aynama kunna. Voici le serment dont il a tenu, c'est-à-dire de dire le vrai. De dire le vrai, bien sûr avec sagesse. Hein, bien sûr avec sagesse, et donc de dire le vrai. Et non pas de se taire et laisser donc les erreurs se propager dans la umma. Hein? Donc maintenant, vous voyez que dans la société, il y a des choses, c'est-à-dire qui montrent qu'il y a des erreurs. Hein? Et ces erreurs viennent de quoi? Viennent de ce que donc les musulmans ne font pas assez, hein, d'efforts pour propager les paroles des gens de science lorsqu'ils critiquent les péchés ou les innovations ou le shirk, etc. Lorsque les choses se propagent comme cela, hein, c'est que donc les musulmans n'ont pas fait assez d'efforts pour combattre ces égarements. Pour combattre ces égarements, les gens de science, ils clarifient, ils répondent, ils ont propagé par les conférences, par les sermons, par les livres, par les épîtres, par donc les articles, par les fatwa, ils répondent, hein. Mais donc il s'agit de faire parvenir leurs paroles à la société. Hein? Alors que n'oubliez pas qu'il y a d'autres, les gens d'innovation qui sont aussi en train de propager les égarements et les erreurs. C'est ce qui renforce ces déviances au niveau de la société. Donc là, dans ce serment et dans cette bay'a, donc parmi les choses que le prophète il a tenues, deux, c'est qu'ils vont proférer le vrai où qu'il soit, hein? Où qu'il soit, et donc sans se retourner vers le blâmeur. Celui qui va leur dire non, il ne s'agit pas de critiquer un tel, eux, ils ne vont pas se soucier de ce genre de personne. D'accord? Et le cheikh Najmi, il continue, il a dit, N'est-il pas qu'Allah Azza wa Jal avait maudit dans son livre ceux qui cachent le vrai, hein? Quand il dit subhanahu wa ta'ala, إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. D'accord, un essai de donc de traduction du sens, hein, approximatif de ce verset. Certes, ceux qui cachent ce que nous disons, ou bien ce que nous avons fait descendre en fait de preuves et de guides, après l'exposé que nous en avons fait aux gens dans le livre, voilà ceux qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. Sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et déclarés. Deux, je reçois le repentir, car c'est moi l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Sourate al-Baqara, hein, donc traduite par la vache, les versets 159 et 160. Et ce verset, il est très important, hein, en ce qu'il montre cet aspect que le cheikh est en train de critiquer, et en ce qu'il montre comment se fait le repentir des gens d'innovation. Parce qu'il faut faire très attention à une chose, parce que le repentir donc du péché n'est pas semblable au repentir de l'innovation. Se repentir du péché, il s'agit de se repentir envers Allah subhanahu wa ta'ala, hein, entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, et de donc avec les conditions, hein, connues, qui est al-iqla'u 'ani az-zanb, hein, wa an-nadam 'ala ma fat wa al-'azm 'ala 'adam ar-ruju', hein. Et s'il y a quelque chose de qui relève, c'est-à-dire de al-mazalim, tu vas rendre la chose à la personne. Al-iqla' anizam, c'est-à-dire de cesser le péché. Hein? D'accord? Wa an-nadam 'ala ma fat, c'est-à-dire de regretter cela. Non pas que la personne trouve toujours que ça c'était une période de plaisir, etc. Il est en train de se délecter de cela. Non, il doit regretter. Hein? Deuxième chose, il doit cesser de cette chose. Ça c'est une tauba. Hein? Ça c'est un repentir. Il cesse. La troisième chose aussi, c'est que la personne, elle a la détermination. La ferme détermination, c'est que elle ne va pas revenir à la chose. D'accord? Ça c'est une tauba. Ça c'est une tauba. Si la personne par la suite, elle retombe dans le péché, parce que c'est pas évident, hein, parfois, ça, il se peut qu'il se, il tombe encore dans le péché, donc il doit, hein, donc, renouveler le repentir. Même si cela se répète plusieurs fois, comme les gens de science, hein, l'ont montré, comme c'est étayé par des hadiths. Donc là, c'est vis-à-vis du péché. Mais vis-à-vis de la bid'a, de l'innovation, parce que l'innovation, elle, falsifie, donc un côté de la religion. Quelqu'un qui était en train de transmettre des faussetés qu'en faisant partie de cette noble religion, hein, il doit corriger. Il ne doit pas se taire et dire moi je me suis repenti entre moi et Allah de cette chose. Non, Allah il a exigé il doit se repentir, regretter. Hein, regretter cela, d'accord, et donc se repentir, ça c'est une chose, hein. Wa aslahu, hein, il doit réformer, il doit corriger, hein, il doit corriger, il doit corriger que dans tel endroit j'ai dit ceci, hein, et le vrai c'est cela, et voilà, il est en train de corriger, il est en train donc de supprimer les erreurs. Non, pas comme font certains gens, ils vont laisser leurs livres et leurs cassettes comme cela qui contiennent des erreurs se propager, et lui il dit moi je me suis repenti. Hein, non, il s'agit de faire l'effort que tu peux, de retrancher et de supprimer ce qui peut être supprimé, d'accord, et de corriger. Il a dit natabu, le repentir, hein, wa aslahu, ils ont réformé, ils ont corrigé, wa bayyanu, hein, ils vont montrer, ils vont déployer l'effort de montrer la vérité. Hein, c'est ça la personne qui aime la vérité et qui est en train de propager, hein, donc la voie de vérité. Et non pas que donc ce qui compte pour lui c'est sa personne. Il va dire si je vais m'exprimer comme ça devant les gens vont me mépriser, ils vont me dénigrer, ils vont dire que toi tu commettais des erreurs et donc je n'aurai plus donc beaucoup de suiveurs, hein, parce que cette époque, c'est il y a une grande fitna et donc vraiment une grande épreuve chez beaucoup de gens, hein, surtout beaucoup de prédicateurs, hein, que ce soit à l'échelle de francophones ou anglophones ou arabophones et ainsi de suite, hein, la fitna des suiveurs, hein. C'est-à-dire qu'il est suivi par tant et tant de personnes, et s'il va dire que dans tel endroit je me suis trompé, hein, peut-être qu'il va perdre de ses suiveurs, hein. Qu'est-ce qu'il va dire à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, lorsqu'il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, il va l'interroger sur telle erreur, hein. Que dire si ce sont des erreurs, hein, à l'échelle de la communauté, comme ce que font donc certains prêcheurs, lorsqu'ils vont dire une chose qui va se propager dans la communauté, hein, comme les erreurs donc de ces prédicateurs qui apparaissent sur les chaînes paraboliques ou ceux qui ont des sites connus ou qui ont des comptes connus sur Facebook et sur Twitter et ainsi de suite. Donc là c'est grave, et ces gens ils doivent, hein, mettre entre leurs yeux. Donc ce verset, il est ladina sabu wa aslahu wa bayyanu. Hein, ça c'est très important. Et gardez que c'est comme cela que se fait la correction concernant la bid'a. Et aussi les gens de science, il y a donc les salaf salih, lorsque quelqu'un il se repent d'une bid'a, ils vont pas donc le traiter dès le premier jour comme ça y est. Il fait partie des nôtres, et donc on va fermer l'œil sur ses erreurs, etc. Non, ils vont le surveiller pendant une longue période, pendant une année par exemple, hein, pendant une année, comme cela a été indiqué dans l'affaire de Sabir ibn Isl, hein, qui s'est donc il a commis une erreur, hein, une erreur de quel genre, c'est qu'il demandait l'explication de certains versets. Et cela donc risque de perturber des gens, hein. Donc Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, il l'a frappé. Hein, il l'a frappé. Il l'a frappé, hein. Donc Omar ibn Khattab, il ne frappe personne sans droit, hein. Il l'a frappé parce que la question, c'était une question qui mérite, c'est-à-dire une correction. Et donc, après le repentir de Sabir, il a compris son erreur. Non, donc il n'a pas été donc traité dès le premier jour quand ça y est, cette erreur elle s'est effacée. Donc non, ils l'ont scruté. Hein? Il a été donc exilé. Donc entre parenthèses, pour l'emploi d'un terme qui est récent, mais donc dans le sens où il n'a pas, donc il n'est pas resté dans le, donc avec donc sa achira, ou c'est là où il résidait auparavant, il a été exilé, et deux, il a été scruté et donc surveillé, est-ce que sa tauba est une tauba sincère. Donc là il s'agit donc de faire attention à ces choses, parce que c'est lorsque on méconnaît certains points de cela, c'est de là que des gens d'innovation, ils veulent rentrer, ils vont dire, mais donc là, vous rendez la vie difficile aux gens, et ainsi de suite. Non, nous, on leur montre que voici, là, il s'agit d'une religion qui n'a pas été falsifiée. Et que nous avons la responsabilité de préserver pour la transmettre à la génération qui va venir. Et non pas donc de fermer l'œil sur donc les erreurs des gens pour transmettre une religion, hein, écorchée. Hein. Une religion où il va rentrer des fossés. Non, il s'agit de la défendre. Et il s'agit donc de défendre la voie de vérité. Donc la vérité vaut mieux que les personnes. Al-haqqu ahaqqu an yutaba. Et non pas les personnes. Donc là, c'est un verset important. Rappelez-vous donc de ces deux versets, hein, de la sourate Al-Baqarah. Hein, les versets 159 et 160. Cheikh Nizmi rahimahullah, il dit après, n'est-ce pas que la réfutation de quiconque contredit la législation et ses jugements est une obligation pour les gens de science? Hada wajib. Hada laysa mustahab. Ceci n'est pas une chose souhaitable. Si on l'a fait, il n'y a pas de problème, et si on l'a fait, tant mieux. Non, ça c'est une obligation pour les gens de science de réfuter les, donc quoi, les déviances, de réfuter les erreurs, hein, de de protéger la religion. Ça c'est pas donc une chose, c'est-à-dire si on l'a fait, nous c'est tant mieux. Non, c'est fard kifai ala l'umma. C'est un fard kifai ala l'umma. Si suffisamment de personnes font cette chose, donc le reste de la umma n'aura pas de blâme, hein, mais si personne ou bien donc des gens donc d'une manière insuffisante font cela, il y a un blâme qui se dirige aux autres. Il y a un blâme qui se dirige aux autres. Donc il s'agit de défendre cette religion. Et non pas de, donc, de s'attacher aux personnes. Faites très attention à cela. Nous, on suit Salaf Salih. On ne suit pas donc des personnes. On suit une voie, une méthodologie. As-salafiyya manhaj. Hein? Nous, on n'est pas attaché aux personnes, à des leaders de partis. Hein? Ou bien à des fondateurs de sectes. Tariqa al-Tijaniya, tariqa al-Boutichiya, tariqa al-Husafiya, tariqa intel. Hein? Les Torok Soufi, ou bien donc tariqa de Ilyas, qui est At-Tablir. Hein? Non, nous, on n'est pas en train de suivre des personnes. On suit donc une voie. Le Salafi, le Sunni, il suit la voie de As-Salaf Salih. Il suit la voie des pieux prédécesseurs. Hein? Et donc, cette voie, on la défend. Si quelqu'un, il veut mettre une erreur dans cette voie, on doit la dégager et dire, ça ne fait pas partie de notre religion. Comme le fait donc d'écarter les déchets de la voie des musulmans, donc ça fait partie de notre religion. Aussi, écarter les erreurs, hein, ça c'est donc cela a une grande récompense. A une grande récompense en religion. إماطة الأذى عن الطريق إماطة الأخطاء هذا من باب أولى وأحرى وأجدر donc là il a dit رحمه الله Cheikh Najmi, il s'agit donc de vivre avec ce que le Cheikh il est en train de dire, hein, il faut voir ce qu'il est en train de défendre. Et il y a donc si Allah me facilite, même si certains frères ils ont fait cela. Le frère qui est à Birmingham, Mehdi Abu Abdelrahman, il a traduit une fois la lettre du Cheikh Najmi, rahimallah, à Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, concernant son épître, Rifan Ahl al-Sunnah bi Ahl al-Sunnah. Et donc, Najmi lui a adressé une lettre. Il lui a adressé une lettre, hein, parce qu'il y a des fauteurs de troubles. Il y a des fauteurs de troubles qui ont essayé de semer la fitna entre les savants. Et lui, il a clarifié. Et lui, il a réfuté les erreurs qu'il y a dans Refran Ahl al-Sunnah bi Ahl al-Sunnah. Moi, je dis franchement ce que je crois. Que donc, dans cette risale de Refran Ahl al-Sunnah bi Ahl al-Sunnah, de Cheikh Al-Abbad, il y a des erreurs. Et que Cheikh Najmi, il les a réfutées. Avec sagesse et avec science, tout en disant que Cheikh Al-Abbad est un savant. C'est un érudit, c'est un savant, c'est un muhaddith. C'est pas moi qui a relevé ces erreurs, mais c'est Najmi rahimahullah qui a relevé ces erreurs. Hein? Ce savant, il a répété cela. Et donc là, cette lettre, inshallah, adressée par Cheikh Najmi, inshallah, je vais aussi donc la présenter à mes frères parce qu'elle contient beaucoup de hadillah concernant ces choses. Hein? Concernant ces choses, elle contient beaucoup de choses. Elle est très riche. Donc même si le frère il l'a fait, donc moi je l'ai vu que il l'a fait une fois, il l'a publié. Hein? Je ne sais pas s'il l'a lu, ça serait très bénéfique de la lire aussi et de l'expliquer aux gens vu son intérêt grandiose. Hein? Mais moi, de ma part aussi, je ferai donc ce travail parce qu'il y a des choses qui méritent d'être expliquées et d'être faites à plusieurs reprises pour que donc les choses soient clarifiées aux gens. Vu que cette risale a aussi beaucoup de hizbi la propage. Hein? Refrain al-sunna, beaucoup de hizbi la propage. Beaucoup de hizbi la propagent. Hein? Et ils se considèrent, alors que Cheikh Al-Abbad, il vise Ahl al-Sunnah. Il vise que les gens de la Sunnah doivent être bienveillants à l'égard des gens de la Sunnah. Les hizbi la propagent, ils se considèrent comme faisant partie des gens de la Sunnah. Ils disent ça nous concerne et ils sont en train de la propager. Et il ne faut pas nous réfuter, non, il faut utiliser rifq avec nous. Non, vous n'êtes pas des gens de la Sunnah. Et donc, vous n'êtes pas, donc... des gens de la sunna, donc cette lettre d'abord ne vous concerne pas, hein, cette lettre d'abord ne vous concerne pas. Très bien, donc Cheikh Najmi rahimahullah il a dit Hein? N'est-ce pas que la réfutation de quiconque contredit la législation et ses jugements est une obligation pour les gens de science? S'il y manque, c'est-à-dire si les gens de science vont manquer à l'égard de cette obligation, s'il y manque, ils auront manqué une obligation, hein? Et si certains parmi eux l'accomplissent, alors, hein, alors seulement, hein, les autres seront épargnés. C'est-à-dire, s'ils vont manquer à ce devoir, hein, ils auront manqué à une obligation. Mais s'ils vont l'accomplir suffisamment, les autres seront excusés. Hein, les autres seront excusés. Hein. Et comme ils ont dit donc certains savants, comme Muqbil rahimahullah et d'autres, ils ont dit que par exemple Cheikh Rabi' à notre époque, kafa al-nas wa kafa al-ulama had al-wajib. En réfutant les gens d'innovation comme al-Banna et comme al-Maududi et comme Abdurrahman al-Khalaq, et en réfutant al-Haddadiyya, et en réfutant des Rawafid, et en réfutant des Yahoud, Cheikh Rabi' hafidahullah, il a réfuté des Juifs, et en réfutant des chrétiens, et en faisant ces genres de critiques à l'égard des gens d'innovation, et en montrant donc leur bid'ah, hein, en réfutant beaucoup de personnes, jazakallahu khairan, il a accompli ce que donc les gens de science, si personne ne va l'accomplir, ce wajib, il reste on le leur demande, hein, le jour de jugement, on leur demande cela. Donc Cheikh Mokbil a dit kafana had al wajib, hein, il a fait que donc ce kafana had al wajib, si personne ne le fait, hein, donc on sera interrogé là-dessus, on sera interrogé. Donc là le musulman, il ne s'agit pas de défendre les personnes, il s'agit de défendre la vérité, il s'agit de défendre la voie de as-salaf salih, il doit s'attacher à cela. Et le Cheikh il a dit, et c'est un droit sur ces derniers, hein, sur les gens de, donc c'est-à-dire ceux qui n'ont pas réfuté, c'est un droit sur ces derniers, hein, que de remercier les premiers, de remercier ceux qui ont écrit, hein. Par exemple Cheikh Al-Fawzan il a remercié Cheikh Najmi, lui a dit ton livre Mawrid Al-Muzulay c'est un bon livre, etc. Il est en train de faire des remerciements au Cheikh Jazakallahu Khairan, et ainsi de suite. Cheikh Rabi il l'a remercié, d'autres gens sont ils ont remercié le Cheikh lorsqu'il fait cela, hein. C'est un devoir sur ceux qui n'ont pas réfuté une chose que de remercier lorsqu'ils entendent cela. Donc ils se réjouissent qu'un musulman, ou bien donc, c'est-à-dire qu'un savant, qu'un homme de science, il a réfuté une bid'a, il a réfuté des mubtadi'a, ça c'est une bonne chose. Au point que donc les salafs considéraient que réfuter les innovateurs, ça fait partie de al-jihad. Hein? D'accord? Ça fait partie de al-jihad. Ça fait partie du grand jihad, c'est-à-dire que de protéger cette religion. Donc là, et il a dit, et c'est un devoir sur ces derniers, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas réfuté, hein, que de remercier les premiers, c'est-à-dire de remercier les critiques, hein, et donc d'invoquer pour eux, afin d'atteindre le succès, hein, d'atteindre le succès, et non pas de les accuser et penser du mal à leur sujet. Non pas tahzil. Tahzil. Vous connaissez tahzil, hein? Tahzil, c'est le fait que lorsque quelqu'un il veut réfuter un innovateur, quelqu'un va venir chez lui, il va lui dire, non, laisse-le, il ne s'agit pas donc de le réfuter. Il ne s'agit pas donc, laisse, non, occupe-toi de al-fiqh, occupe-toi de telle chose, hein? Mais laisse cette personne. Ça, c'est du tahzil. C'est-à-dire que le découragement, hein, le fait de démotiver la personne et ne pas l'encourager, hein, lorsqu'elle veut faire un bien comme celui-là. Hein, un bien comme celui-là. Très bien. Et le Cheikh continue à lui poser les questions. N'est-il pas vrai que les pieux prédécesseurs avaient obéi à cet ordre, hein, accompli cette obligation en composant des écrits innombrables de réfutation contre les gens d'innovation depuis l'époque des successeurs jusqu'à ce jour-ci, hein? N'est-ce pas que les salafs ils ont réfuté les innovateurs, hein? Ibn Abbas lorsqu'il a entendu parler de Al-Qadariya, hein, il a dit si je vais capturer telle personne, j'aurais trituré sa tête, hein? La adukqa ra'sa, D'accord. Il a dit, donc, si je capture cette personne, je vais triturer sa tête. Hein, ou bien je vais lui donc couper le nez. Comment il parle donc de Al-Qadar comme cela? Parce qu'il a entendu parler des innovateurs. Hein? Et Ibn Omar, lorsqu'il a entendu parler de qui? Donc aussi donc des innovateurs, il a dit, Allah n'accepte rien d'eux jusqu'à ce qu'il croit en le destin. Hein? Jusqu'à ce qu'il croit en le destin. Et ainsi de suite, nos salafs salih. Ils ont résisté aux innovateurs, ils ont réfuté, ils ont écrit, ils ont clarifié. C'est pourquoi cette religion nous est parvenue parfaite. Elle n'a pas été touchée. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait des gens qui vont la défendre. Yuqayyid laha Allah azza wa jal, al-kitab wa sunna yuqayyid lahum Allah azza wa jal, man yudafi' anhum. Très bien. Et le cheikh continue, il dit, et il continue ainsi. Les salafis, c'est-à-dire les gens de science, continuent ainsi à défendre le vrai. Hein? N'est-ce pas que toi-même, hein, il s'adresse maintenant à Ibn Jabri, n'est-ce pas que toi-même, ô Cheikh, hein, tu avais composé deux livres de réfutation des gens d'innovation? Toi-même, tu as écrit contre les gens d'innovation. Et tu viens maintenant me dire, tu t'acharnes contre une personne, pourquoi critiquer telle personne? Tu as écrit deux livres, le premier est « Khabar al-Ahad ». Hein, où tu répliques aux Mu'tazilites et à ceux ayant adopté leur thèse à notre époque. Parce que les Mu'tazilites existent toujours. Ils existent encore à notre époque. Et Cheikh Al-Allama, l'érudit savant Al-Jami, dit, hein, comme je vous ai dit une fois, il dit tous les chiites sont des Mu'tazilites dans la croyance. Ils ont la aqidah de l'i'tizal dans la croyance. Tous les chiites sont des Mu'tazilites dans la croyance. Hein? Ils ont donc des troubles, ils ont pris des croyances des Mu'tazilites. Hein? Les Mu'tazilites, ils ont une croyance erronée. Ils ont une croyance erronée. Et donc là, le Cheikh Al-Jami, l'Allama Al-Jami, c'est un grand savant de la Aqida, il a dit tous les chiites sont des Mu'tazilites. Hein? Tous les chiites sont des Mu'tazilites. Et donc là, le Cheikh Ibn Jabrin, rahimahullah, il a réfuté des Mu'tazilites anciens et contemporains. Hein? Dans ce livre, Khabar al-Ahad, comme il va lui citer des choses de ces deux livres, il va donc Najmi rahmallah, il cite des choses à partir de ces livres de Ibn Jabrin, comment on va voir. Et le deuxième livre, hein, est un livre Al-Fa'iq fi ar-radd 'ala mubaddil al-haqa'iq. Hein? Al-Fa'iq, hein, fi ar-radd 'ala mubaddil al-haqa'iq. Hein? On peut traduire par l'excellent. Hein, dans la réfutation à celui qui a changé les vérités ou bien qui change les faits, hein, qui essaie de feinter et de tromper les gens. Très bien. Et par Allah, qui est le seul digne de toute adoration, j'aime l'homme qui défend la religion d'Allah contre ceux qui y introduisent ce qui n'en relève pas. Hein, dit Cheikh Najmi, rahmallah. Pourtant, je ne sais pas pourquoi certains prédicateurs, qu'Allah les guide, hadahumullah, esquivent le vrai, hein, alors même qu'ils le savent, yaskutun an bayan al-haqiqa, hein, et ils blâment celui qui accomplit une partie de cette obligation, hein, ils le rendent ainsi coupable, ils rendent celui qui critique, le critique, ils le rendent coupable, comme maintenant cette propagande à l'égard de Cheikh Al-Albani et de Cheikh Rabi' et de Cheikh Al-Jami, hein, et de Cheikh Najmi ici et de Cheikh Mokbil, il y a une grande propagande, et notamment contre Al-Jami et Al-Madkhali, contre Cheikh Rabi' et Cheikh Al-Jami, hein, une propagande, une grande propagande contre eux, alors que là c'est des gens de science, de ulama, ça c'est des savants. Avec ce que ce terme il a comme sens, ce qu'il porte comme sens. Bima tahmiluhu al-kalima min ma'na ulama, hadoul rijal, ulama rijal ilm. Ce sont des hommes de science. Hein? Ce sont des hommes de science. D'accord. Donc cette propagande fait que donc on blâme le critique au lieu de blâmer le fauteur, on blâme celui qui a critiqué cette personne fautive. D'accord. Il a dit, ils le rendent ainsi coupable, hein, la personne qui critique, ils le rendent coupable. Comme maintenant le Hamla al-Mas'oura de l'Hizbiyin contre le Cheikh Rabi', etc. Hamla Mas'oura, comme ce que font les chiens, ils vont donc essayer donc de donc de d'aboyer, hein, lorsque donc un convoi passe, hein, c'est la même chose. Ici le savant il écrit un article ou écrit un une nasiha à la Ummah, les gens ils vont sortir pour dire pourquoi il nous dit cela, pourquoi il nous dit ceci, pourquoi, hein, pourquoi il dit cela, etc. Parce que eux ils veulent protéger qui? Ils veulent protéger les ennemis de l'islam, hein. Ils veulent protéger par exemple les chiites. Hein, ils veulent protéger les chiites. Ils veulent protéger les chiites. Au point que certains d'entre eux, lorsque les gens de la Sunna, ils ont commencé à combattre au Yémen, comme vous le voyez jusqu'à maintenant, ils ont dit, non, pourquoi s'ingérer dans les affaires du Yémen? Pourquoi ce tahaluf? Pourquoi cette alliance de l'Arabie Saoudite avec certains états arabes, hein, pour venir mater les Houthis? Ils ont dit, non, vous êtes en train de frapper les Yéménites, qu'est-ce que vous... Non, ils ne sont pas en train de frapper les Yéménites. Ils sont en train de frapper les Houthis. Et les Houthis sont des koufars. Hein? Les Houthis sont des koufars parce qu'ils ont des croyances des koufars. Ce sont des rafidistes de croyances. Hein? Comme l'érudit savant, Rabbi al-Madkhali, il l'a montré donc une fois, lorsque Damaj était Mouhassar, etc., il a dit ce combat est entre donc l'islam et la mécréance. Qital bayna l'islam wa l'kufr. Faites très attention à ces choses, mes frères, parce que donc là, ce sont des choses qui sont étayées. Donc, même si maintenant moi, je les évoque parfois d'une manière rapide, mais là, si on retourne, on va voir dans l'article du Cheikh qu'ils sont des koufars. Et si on retourne dans les explications des Tullab et des autres savants, on va voir que quelle est la aqida des Houthis, et ainsi de suite. Donc là, il ne s'agit pas donc de blâmer le critique, il s'agit de blâmer la personne fautive. Hein? Donc le Cheikh l'a dit, et ils le rendent ainsi coupable, agresseur et injuste, hein? Au point qu'ils ont forgé des sobriquets. Hein? À notre époque, ils ont forgé des sobriquets. Ils ont forgé hein, des sobriquets comme Al-Jamiya. Ils ont dit Al-Jamiya, c'est-à-dire les suiveurs de Al-Jamiya. Al-Jamiya n'avait pas des suiveurs. Al-Jamiya, c'est un savant. Les gens, donc les salafis, ils lisent Al-Jamiya comme ils lisent l'Albani, comme ils lisent Bnoubaz, comme ils lisent les anciens, comme ils lisent le contemporain. Donc sans faire donc un choix particulier de se diriger vers Al-Jamiya ou vers Al-Madkhali ou vers un autre. Donc là, ils ont forgé donc ce sobriquet pour dire Jamia, et puis aussi un autre sobriquet, Al-Madkhaliya. Hein, ils ont dit, alors qu'il n'y a personne qui se réclame de ce nom, ou de cette affiliation, et qui te dit, moi, je suis telle personne, je suis en train de suivre telle personne. Non, on suit le messager, alayhi salatu wasalam, on suit la voix de Salaf Saleh, Al-Jamia, c'est un savant salafi, on le lit, hein, et on continuera de le lire, puisque, alhamdulillah, donc, ces livres sont très bénéfiques et ces livres sont recommandés par les gens de science, ainsi que les livres de Cheikh Rabi, ainsi que les livres de tous les gens de science. Hein? Les gens de science, ils nous ont recommandé de lire ces gens, nous, on va continuer à les propager et à lire hein, ces livres et à profiter de cela et à propager la voix de As-Salaf Saleh autant qu'on le peut. Et donc, nahnu muqassiruna fi hada wallahi. Hein? Nous ne faisons pas assez d'efforts concernant cela, qu'Allah nous pardonne. Donc là, le Cheikh, il a dit, hein, ils le rendent coupable, agresseur et injuste. Tandis que le blâmeur, si quelqu'un l'aurait touché ou agressé, il se serait révolté. Hein, celui qui est en train de blâmer. Si quelqu'un le transgresse dans la dunya, dans la chose céleste, dans la chose mondaine, hein, ou bien si quelqu'un le touche, hein, il se serait révolté. Et quand c'est la religion qu'on agresse ici, qu'on touche et qu'on abuse d'elle, tout est paix et calme pour lui. Ah, ça ne le concerne pas, ou bien ça ne le touche pas assez. Comme lorsqu'il est agressé lui-même dans sa personne, ou dans ses biens, ou donc dans sa famille, dans ses proches. Hein? Et quand c'est quelqu'un comme les propos, c'est-à-dire qui ont été enregistrés dans les livres de Qutb, de Sayyid Qutb, ou de l'Benna ici, etc. ça ne gêne pas ces gens, ces hizbiyin. Ça ne les gêne pas quand Qutb aurait insulté Moïse, alayhi salam. Ça, c'est très étonnant. On n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ne se révoltent pas lorsqu'ils entendent que Qutb, hein, Sayyid Qutb, hein, il a insulté le Kalimullah, Moussa, alayhi salam. Hein, ou bien les autres égarements qu'il a laissés. Le Qawl bi wahdat al-wujud. Hein, il dit qu'il n'y a que cette existence que nous sommes en train de voir. Hein, c'est grave. Hein, c'est très grave ce qu'il a dit. Ou ahadiyat al-wujud, c'est-à-dire il dit qu'il y a une fusion entre le créateur et la création. Ahadiyat al-wujud. Comme il le dit dans son tafsir de Surat al-Hadid et dans son tafsir, tafsir en parenthèse, c'est un tahrif de Surat al-Hadid et de Surat قل هو الله احد الاخلاص لا الجونسيون سي سون دي اون لو بو دير كو سا سي وحده الوجود الالباني رحمه الله اي العثيمين زون دي ها زون ان كومونتير برسك لو ميم lorsqu'ils ont entendu cela ils disent ils ont dit on ne peut interpréter sa parole que comme étant وحده الوجود ça c'est عقيده وحده الوجود et ça c'est des gens de science lorsqu'ils commencent ainsi ça c'est des gens de science c'est pas quelqu'un qui n'a pas donc nécessairement d'outils, etc. Lorsqu'il lit sa parole, il va te dire, voilà, ça c'est Wahdat al-Wujud. Très bien. Donc le cheikh lui reproche, pourquoi vous avez ces Al-Kayl Bimikielain. Lorsqu'il s'agit de votre personne et de vos biens et de vos proches, vous vous révoltez. Et lorsqu'il s'agit de la religion que l'on agresse, vous restez calme, hein, et paisible. Hein? Et quand c'est la religion qu'on agresse ici, qu'on touche et qu'on abuse d'elle, tout est paix et calme pour lui. Est-ce de la sorte que se fait la défense et l'accomplissement de notre religion, hein? C'est comme ça qu'on va défendre notre religion si on va nous taire sur les fautes, sur les égarements, sur les déviances. C'est comme cela qu'on va protéger l'islam. Les gens, ils nous ont transmis l'islam. Nous, on doit le transmettre à la génération qui va venir. On va leur transmettre un islam avec tout cela, avec ses erreurs. Hein? Est-ce de la sorte que se fait l'accomplissement de notre religion, hein, et sa défense, hein, ou bien n'est-ce pas là une manière d'être injuste à son égard, à l'égard de cette religion, de cette noble religion, et de perdre ses droits, hein? On est en train de perdre tous ses droits si on va nous taire sur cela, hein? Surtout si ceux qui en ont été touchés sont ses fondements, règles, bases et piliers, tels que l'unicité, si elle est détruite par l'association majeure, hein, la sunna qui est anéantie par l'innovation religieuse, le vrai qui se voit sapé par le faux. Surtout concernant les erreurs de ce genre, des erreurs qui vont attaquer des piliers de l'islam, qui vont attaquer des fondements de l'islam, qui vont attaquer des obligations dans l'islam. Hein. Donc les égarements de Qutb, de l'Benna et donc de ceux de leur groupe, pour ne parler que donc du groupe des frères musulmans, ce sont des égarements qui concernent des piliers de l'islam, hein, des fondements de l'islam, des règles de base dans l'islam. Hein. Si on va les négliger, hein, il va rentrer donc dans cette religion ce qui n'en fait pas partie. Hein. Donc comme les égarements, vient à l'esprit les égarements de Tariq Ramadan par exemple. Ce sont des égarements vraiment donc qui détruisent les bases de l'islam. Hein, des égarements qui détruisent les bases de l'islam, et j'en ai parlé. Alhamdulillah, Allah m'a accordé donc la force et le succès dans la réfutation de certaines de ces paroles de Tariq Ramadan qui détruisent l'islam, des paroles vraiment d'égarement. Hein. J'ai fait 7 audios que vous trouvez sur la chaîne où donc j'ai essayé de montrer que ça c'est un égarement. Hein, et que cet homme, il ne comprend pas l'islam. Il ne comprend pas l'islam. Qu'est-ce qui arrive à beaucoup de la jeunesse musulmane maintenant? Ils vont mettre une personne dans très haut, très haut, très haut, au point qu'ils n'accèdent pas qu'on la critique. Non. Qu'il soit doyen dans une faculté, hein, Genève ou autre, ou bien que ses livres se propagent en Occident, ça ne veut rien dire pour nous. Hein. Nous, on va prendre les paroles qu'il a proférées et on montre les égarements qu'il y a. Hein. Le mizan, c'est toujours Kitab wa Sunna. Non pas qu'il soit doyen ou qu'il soit enseignant ou qu'il soit docteur ou qu'il soit je ne sais quel titre. Hein. Le mizan, c'est le kitab wa sunna. On va donc mesurer ou bien donc évaluer les gens hein, par leurs paroles, par leur écrit. On ne ment pas alors, donc sur eux. Hein. On va montrer sa parole et on montre quelle est l'erreur que contient cette parole. Très bien, qu'est-ce que j'ai dit? Le Cheikh, il a montré que ça touche des piliers, des règles de base, des fondements hein, et des obligations. Voyez-vous que le silence nous serait possible hein? هل ترى أنه يسعنا السكوت hein? Voyez-vous que le silence nous serait possible? Non, il n'est pas possible aux sunnites hein, de se taire sur les égarements de ce genre. Hein? لا يسعنا السكوت. Non, par Allah. Ah, wallahi, la yasa'un al-sukut. Sauf si certains parmi nous réfutent suffisamment le faux. Hein? Sauf si les gens de science réfutent suffisamment le faux pour que les autres ils vont propager. Hein? Pour que les gens de la sunna, les salafis, les tullab ilm, ils propagent la parole du savant. Hein? Non, par Allah. Sauf si certains parmi nous réfutent suffisamment le faux. Parce que c'est une obligation sur le groupe, non pas sur chacun. Oui, hein, certes, c'est une obligation sur le groupe. Et non pas une obligation aïniya qui concerne chacun. D'accord? Et celui qui l'aurait accompli aura la plus grande récompense. Et une rétribution immense chez Allah le Très-Haut et le Très-Puissant, hein, comme j'avais dit précédemment. D'accord? Ensuite, il passe à un autre point avant de rentrer, hein, donc, comme on va voir dans ce paragraphe, il va rentrer dans les détails de la réfutation du manhaj de Al-Banna. Il a dit, pour ce qui est de ta parole, que tu recevais de ces nouvelles depuis une quarantaine d'années, via des prédicateurs respectables comme Cheikh Abdelrazzaq Afifi, hein, Cheikh Abdelrahman Ad-Dousari. الشيخ عبد الله بن حميد الشيخ عبد العزيز بن باز كي لوغي كونو سيدير كي اوغي كونو حسن البنا داكوغ سا سي لا بارول دو بن جبرين كي دونك لو شيخ لا ريفورمول كي لوغي كونو ان بيرسون عرفوه شخصيا داكوغ في سون ايلوج اي اكزامينيه سي نوفيل جو دي شيخ نجمي دي كونت سيت بارول جو دي بروميييرمون Les maîtres que tu cites, les gens de science qu'il a cités ici, les maîtres que tu cites, peut-être les avais-tu interrogés avant qu'ils savent hein, sur son statut, ce qui est désormais connu. Peut-être que tu les as interrogés à une époque où son statut, le statut de Hassan al-Banna, c'est un contemporain. Hassan al-Banna, c'est pas comme les anciens innovateurs. Wasil ibn Ata, ou Jahd ibn Dirham, ou Jahd ibn Safwan. Hein, ou les autres, hein, ou Al-Hallaj, ou les grands soufis, ou donc les. Non, Hassan al-Banna, c'est un contemporain. Peut-être qu'à une époque, ces livres n'ont pas été étudiés suffisamment pour donc, que les gens de science ils vont mettre en garde contre lui. Hein. Tu les as interrogés à cette époque, ils t'ont dit voilà, là, celui-là, c'est un prédicateur, hein, qu'on est de lui. Qu'il s'active dans l'appel à Allah, dans la prédication, dans Ad-Da'wa. On ne sait pas de son cas. Donc, tenir ce genre de propos lorsqu'il n'y avait pas de critique à l'égard de la personne n'est pas donc un péché. Lorsque tu ne sais rien sur une personne, tu dis La a'lamu anhu illa khayran. Je sais que c'est un musulman. Il prêche. C'est un prédicateur. C'est un khatib dans telle mosquée. Je ne sais pas sur quel est son statut. Mais lorsqu'il sera critiqué, lorsque Al-Banna, ses livres ont été décortiqués, et donc les gens, ils ont trouvé cela, hein, ces égarements qui ont été relevés par les savants, là, il ne s'agit plus de les défendre. Hein, il ne s'agit plus de les défendre. Il a dit, peut-être les avais-tu interrogés avant qu'ils savent sur son statut, hein, avant qu'ils en savent ce qui est connu maintenant. Deuxièmement, peut-être qu'à l'époque, il leur est parvenu de ces nouvelles un aspect général sur son prêche et qui trompe beaucoup hein, et qui trompe beaucoup de gens jusqu'à présent. Maintenant, il y a des gens jusqu'à maintenant qui ne connaissent pas son statut. On ne peut pas blâmer des gens de science qui n'ont pas connu son statut dans les années 70 du calendrier chrétien ou 80. On ne va pas les blâmer. ne va pas les blâmer. Mais jusqu'à maintenant, il y a des gens qui, puisqu'ils n'ont pas fait des lectures concernant cela, ils ne savent pas donc quel est son statut. Mais maintenant, pour les gens de science, hein, les gens de la Sunna, ils croient que Hassan al-Banna, c'est le fondateur du groupe de l'Ikhwan Muslimin, qui a suscité beaucoup de troubles dans la Ummah. C'est con lui maintenant, alhamdoulilah. Donc là, deuxièmement, il a dit, peut-être qu'à l'époque, hein, il leur est parvenu de ses nouvelles en aspect général sur son prêche, et qui trompe beaucoup de gens jusqu'à présent, car ils n'ont pas une bonne connaissance de cette méthodologie, étant donné qu'ils n'ont pas procédé à des lectures sur lui à ce temps-là. D'accord? Puisqu'il n'a pas été étudié, il n'a pas été critiqué dans le détail, hein, par les gens de science, les gens, ils considéraient que ça c'est, on l'entend de lui, que c'est un prédicateur dans telle région. D'accord. Troisièmement, s'ils ne lui reprochent rien, c'est qu'ils n'ont pas connaissance de ses défauts. Si par exemple tu interroges un savant, il va te dire, je ne connais rien sur telle personne. Mais tu interroges un autre savant, il va te dire, non, attention, voici ses erreurs dans les détails. Est-ce que tu vas suivre celui qui dit, je ne sais pas, ou bien tu vas suivre celui qui va te dire, voici dans tel livre, voici dans telle page, voici telle erreur, voici ce qui est vrai dans la sunna. Tu vas suivre, hein, celui qui connaît son statut, parce qu'il y a une qaïda, man alima hujjatun ala man lam ya'lam. Celui qui sait est une preuve sur celui qui ne sait pas. Tu ne vas pas dire, ouais, moi j'ai interrogé un savant et il m'a dit cela. Non, il s'agit de chercher la vérité. Il ne s'agit pas de suivre un seul savant. Il s'agit, hein, de voir quelle est la vie juste, hein, et de savoir quel est le savant qui te montre la preuve, qui va te dire, j'ai une preuve. Alors que l'autre, il va te dire, je ne connais rien sur son statut, hein, il ne m'arrive sur son statut que le bien. Très bien. Je reprends ce troisième point. Il dit, s'il ne lui reproche rien, c'est qu'ils n'ont pas connaissance sur ses défauts. Hein? Ils n'ont pas lu sur ses défauts, eux, en particulier. Parce que les gens de science sont très occupés. Hein? Il y a des gens de science qui ont beaucoup travaillé sur le fiqh. Ils ne vont pas s'intéresser à beaucoup aussi, s'intéresser à ces groupes et à ces sexes, etc. Et détailler donc leur cas. D'accord? Voilà. Ils ont raison de s'arrêter et ne pas se prononcer sur un cas qu'ils méconnaissent. Si le savant, il se dit, je ne connais rien sur telle personne. Hein? Donc, ça ne veut pas dire qu'il est en train de le recommander. Hein? Et ça ne veut pas dire que le savant, tu vas dire, mais il ne connaît pas un tel. Donc, non, on ne reproche pas aux gens de science. Hein? Mais, on les interroge et on cherche la preuve. Très bien, quatrièmement. Or, maintenant, plusieurs défauts sont devenus saillants dans sa méthodologie. Et celui, hein, celui qui sait est une preuve sur celui qui ne sait pas. Hein? Ceci est une règle bien connue chez les gens du hadith, chez les muhadithines, et l'appliquer dans un cas comme celui qui nous concerne est obligatoire. Hein? Cinquièmement, quant au Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, hein, qui est parmi ses savants et encore vivant à l'époque où Cheikh Najmi a écrit ce livre, hein, maintenant Cheikh Nubaz, rahimahullah, hein, il est mort. Quant à Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, hein, il avait su sans doute, hein, ce que ces gens, c'est-à-dire qui sont les frères musulmans, ce qu'ils ont comme défaut. Hein. Quant à Abdul Aziz ibn Baz, dit Cheikh Najmi, quant au Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, qui, parmi ces savants que tu cites ici, hein, qui parmi ces savants est encore vivant, il avait su sans doute ce que ces gens, c'est-à-dire les frères musulmans, ont comme défaut. Il avait répondu, hein, il y a des fatwas très connus du Cheikh ibn Baz, il avait répondu à une question concernant les frères musulmans, hein, que Hassan al-Banna avait fondé. Voici la question. Hein. La question dit, votre éminence cher, le groupe des frères musulmans est rentré au royaume, même le cas saoudien, est rentré au royaume depuis un certain temps. Et il a maintenant une activité parmi les apprenants de science. Hein? صار له نشاط حتى بين طلاب العلم الشرعي. D'accord? Parmi les apprenants de science. Que pensez-vous de ce groupe? Hein? Que pensez-vous, au Cheikh Noubès, de ce groupe? Hein? Et est-ce qu'il est conforme à la méthodologie des gens de la Sunna et du groupe? وهل هو موافق لمنهج أهل السنة والجماعة؟ La réponse de Cheikh Noubès, rahimahullah. Le groupe des frères musulmans est critiqué, muntaqad, est critiqué de la part de gens de science spécialisés. ينتقدوا خاصة أهل العلم. لما ينتقدوك خاصة أهل السنة. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque tu es critiqué par les spécialistes de la Sunna. Lorsque tu es critiqué par les spécialistes parmi les gens de science. Hein, sur une question. D'accord? ينتقدوا خاصة أهل العلم. ينتقدوا خاصة أهل العلم. Parce qu'il n'a pas une activité dans l'appel à Allah. Regardez. Hein? Parce qu'il n'a pas une activité dans l'appel à Allah. Hein? ليس لهم نشاط في ماذا في الدعوة إلى الله. Hein? يدعون إلى حزبهم لا يدعون إلى الله. ليس لهم نشاط في الدعوة إلى الله. Faites très attention à ces termes. Parce que cette fatwa, elle est commentée. Hein? J'ai lu une fois que l'un des toulab ilm en Arabie Saoudite, il a commenté. Il a intitulé تعليق الفوائد على فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله حول الإخوان المسلمين. تعليق الفوائد. Ça c'est ce qu'il était en train, il est en train de donner des grandes lignes. Il dit رحمه الله ليس لهم نشاط في الدعوة إلى الله. Il n'appelle pas à Allah. Ça c'est méditer sur cette réponse. ليس لهم نشاط في الدعوة إلى الله. Ils n'ont pas une activité dans l'appel à Allah. عندهم نشاط في الفتن. Ils ont une activité dans, c'est-à-dire le fait de susciter des troubles. Troubles. Hein? Ils n'ont pas une activité dans l'appel à Allah. D'accord? Et le cheikh, il a continué, rahimahullah, il a dit, ils n'orientent pas vers la bonne croyance, qui est celle des gens de la sunna et du groupe. Hmm? Ils n'orientent pas vers la bonne croyance. D'ailleurs, pour eux, ils ont beaucoup, donc, des choses qu'ils considèrent, pour eux, c'est comme des qawa'id, hein. قواعد وهي قواعد يعني qu'ils ont donné, ils disent ça c'est قشور. Ils ont dit que dans la religion il y a le loubab et il y a le قشور. Il y a des choses qui sont des épluchures, des choses qui sont pas très intéressantes, très, donc on va pas s'activer dans cela, et il y a des choses sur lesquelles donc nous travaillons, hein. Eux ils travaillent, c'est-à-dire ils s'activent dans le côté politique. Et ils disent, et les autres, hein, donc lorsque vous parlez aux gens concernant les mausolées, concernant les choses qui se rapportent au shirk, etc., vous, lorsque vous parlez de cela, oh, vous gens de la sunna, ça c'est pas très important. Ce qui est important, c'est le pouvoir, c'est les choses qui concernent la umma, c'est ce. Ils considèrent que c'est ça que, ce qui concerne la umma. Hein? Ça c'est grave, comme on va voir dans le livre de Cheikh Rabi' lorsqu'il les réfute. Dans Manhaj al-Anbiya, il les réfute d'une manière majestueuse, le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala. Il montre qu'ils sont en train de mépriser par ce genre de paroles, et sont en train de mépriser quoi? Manhaj al-Anbiya fi da'wa ila Allah. Ils sont en train de mépriser la voix des prophètes lorsqu'ils appelaient à Allah, lorsque les prophètes ils étaient en train de combattre le shirk, et ils étaient en train d'appeler à l'unicité. Donc là, le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il a dit, le groupe des frères musulmans est critiqué de la part de gens de science spécialisés parce qu'il n'a pas une activité dans l'appel à Allah. Il n'oriente pas vers la bonne croyance qui est celle des gens de la sunna et du groupe. Donc, il est du devoir des frères musulmans de s'intéresser à la prédication. عليهم أن يهتموا بالدعوة. لا يهتموا بالفتن. يهتمون بالدعوة. يجب أن يهتموا بالدعوة. Hein? À la prédication, à l'unicité d'Allah, tawhid Allah, à l'unicité d'Allah, d'interdire l'adoration des tombes, hein, an yamna'u ibadat al-qubur, hein, d'interdire l'adoration des tombes et l'attachement à eux, yani ta'alluq biha, ta'alluq bil qubur, hein, comme on va voir et comme on a vu donc dans une séance précédente, que le Banna lui-même il marchait vers des tombes, hein. D'interdire l'adoration des tombes et l'attachement à eux, hein, ou de leur demander secours, comme d'interpeller Al-Hussein, et Al-Badawi ou autres. Le cheikh, il cite Al-Hussein ou Al-Badawi parce qu'eux, ils prétendent qu'ils ont Qabat al-Hussein là-bas. Hein? Et ils ont aussi Al-Badawi. Et ces mausolées sont très fréquentées. Si vous imaginez les chiffres qui font une sorte de visite et de pèlerinage vers le Qabr de Al-Badawi, c'est comme le pèlerinage qui se fait à la Mecque. C'est quelques 2 à 3 millions de personnes qui se rendent vers le Badawi. Hein? C'est le même chiffre que, donc, que ce qui se fait à Al-Hajj. Hein? Ce qui se fait pour le Badawi, pour ses Qubur, ses Awtan, hein? C'est la même chose que ce qui se fait pour donc, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou en Égypte. En Égypte. Hein? En Égypte, en Syrie, il y a des Qubur de ce genre. Au Maroc, il y a un Moussim, c'est-à-dire une saison où ils visitent ce qu'ils appellent Wali Saleh Ben Mchich, hein, où ils vont visiter sa tombe, etc., etc. Et ils vont commettre le shirk là-bas, etc., etc. Donc là, c'est très fréquenté au Maroc, au point que c'est des chiffres énormes, comme celui que je viens de vous citer, c'est-à-dire quelques 2 millions hein, de visiteurs. Et ce qui se fait aussi dans une région au Maroc qui s'appelle Médère, où donc se trouve donc l'origine de Zawi al-Boutchichia, l'origine du groupe Soufi qui est al-Boutchichia. Hein? Médère est visité donc dans certaines saisons de l'année, hein? C'est-à-dire la saison de l'Maulid, la saison, c'est-à-dire pendant le Ramadan et pendant l'événement de l'Isra ou al-Mi'raj, l'ascension. Et donc la marche nocturne ou l'ascension, pendant ces 3 périodes de l'année, ils visitent beaucoup Médère, cette région, c'est des milliers et des milliers de personnes. C'est donc des chiffres énormes. Hein? Alors que donc, ces soufis, ils tombent dans des choses, c'est-à-dire qui est donc dans le Qubouriya, dans l'adoration des tombes. Donc là, le cheikh, il était en train de lui parler de cela. Alors que comme on a vu, nous, donc Al-Banna, il marchait vers les tombes, et Al-Banna, il se rendait dans là où se trouve Qabr Zainab, hein, Sayyida Zainab, et là, il a donné une conférence où il parle de Al-Akhlaq, donc il n'était pas en train de critiquer Al-Shirk Billah. Vous voyez à quel point ça c'est grave, lorsque le musulman, lorsqu'il voit un Watan, lorsqu'on est en train de passer devant des endroits où il y a des Shirk Billah, le musulman doit détester cela. Et ça doit révolter le musulman, c'est-à-dire intérieurement, donc de blâmer cela et d'essayer donc de sensibiliser les gens et de leur dire ça c'est mauvais. Hein? Que dire, ils se rendent là-bas, ils rentrent, ils s'assoient, ils donnent une conférence, ils sortent, ils mangent, ils boivent, hein? Ils vont sortir comme si rien n'était. Hein? Comme si rien n'était dans un lieu de shirk. Ces Awthan qui sont maintenant, c'est comme les idoles. Si Awthan, lorsqu'ils font ces mausolées, hein, le Cheikh Al-Hajri, comme on a vu dans une risala, il a dit que ces Awthan, maintenant, ces mausolées, ils ont le même rôle que les Asnam, que les idoles. Jadis, ils construisaient des idoles comme cela, ils se prosternaient devant, etc. Ils étaient en train de leur rendre des ibadats, comme le Dua, et comme le Siratha, et comme le Dabh, etc. Et maintenant, donc dans ces mausolées, ils vont faire Dabh, ils vont faire Dua, ils vont faire Siratha Bilwali, et ainsi de suite. Ça c'est quoi? Ça c'est Shirk Billah. Donc là, maintenant, c'est le même stade. Très bien. Donc le Cheikh, rahimahullah, il a dit, voici ce que je voulais dire, le Cheikh Ibn Baz, concernant l'Ikhwan al-Muslimoun. Cheikh Al-Najmi, il a commenté cette fatwa en disant, as-tu entendu, ô frère de l'islam, as-tu entendu, ô frère de l'islam, ce qu'avait dit le Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, hein? Tu viens me dire que Abdelaziz Ibn Baz considère que Al-Banna était sur le bien, etc. Voici la réponse de Abdelaziz Ibn Baz. Hein? As-tu entendu, ô frère de l'islam, ce qu'avait dit le Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, qu'Allah fasse profiter de sa vie, donc parce que donc lorsque le cheikh a écrit ce livre, Cheikh Ibn Baz était encore vivant, rahimahullah. Ne peux-tu pas dire comme lui vis-à-vis de la prédication des frères musulmans, Et ce qu'elle contient comme contravention à l'égard de la méthodologie des pieux prédécesseurs, hein, est-ce que tu ne peux pas agir de même, hein, tu seras de la sorte une cause de soutien du vrai, hein, tu auras la conscience tranquille lorsque tu vas soutenir Manhaj Salaf Saleh. Donc personne ne peut te reprocher quelque chose, hein, c'est-à-dire les gens de la sunna ne vont pas te reprocher. Hein? Devant Allah, inshallah, tu ne seras pas blâmé, hein? Puisque si tu vas dire les choses, c'est-à-dire dont tu es sûr, non pas en rentrant dans la da'wa et en commettant des erreurs dans la da'wa, non, mais tu restes, c'est-à-dire derrière les savants, tu transmets ce que disent les savants, tu le communiques aux gens, et non pas que tu vas rentrer toi-même et fasse une da'wa alors que tu n'as pas les outils nécessaires, comme le font beaucoup malheureusement font ce genre de travail où ils vont rentrer à la da'wa sans avoir les outils nécessaires. Très bien, donc notre rôle à nous, c'est de transmettre les paroles des gens de science. Donc là, le cheikh, il a dit, tu seras de la sorte une cause de soutien du vrai, tu auras la conscience tranquille, et tu auras de la sorte fait conseil à la communauté. Car, mis à part son éminence Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, les autres mashayikhs que tu avais cités, s'ils avaient vraiment avancé, que Hassan al-Banna avait des effets positifs, donc ils doivent être dupes comme toi. Hein? Donc, c'est-à-dire, ces gens de science que tu viens de citer, s'ils avaient vraiment dit cela, c'est qu'ils étaient dupes sur son cas. Ils n'ont pas connu son cas. Hein? Ils étaient dupes. Comme toi, tu es dupe. Hein? Comme toi, tu es trompé. Tu es dupe. Il s'adresse à Ibn Jibrin. Tu es trompé. C'est-à-dire, ces gens sont sur un égarement. Que tu aies une bonne image d'eux, c'est-à-dire, ou bien une bonne idée à leur sujet, cela montre que tu es dupe. Hein, c'est donc une critique légère. Hein? On ne dit pas que tu, par exemple, toi, tu es en train de soutenir le faux et que tu es en train donc de propager l'égarement, tu es un égaré, tu es trompé, hein, t'es mardou, hein, tu es trompé, tu es dupe, tu es tombé dans leur piège. Hein? Ils doivent être dupes comme toi. Hein? Alors que lui, pourquoi il a accepté Ibn Baz? Parce qu'il a connu quelles sont ses paroles. Voici cette fatwa. Il y a l'autre fatwa qui est connue aussi, deux années avant la mort de Cheikh Ibn Baz, où Cheikh Ibn Baz, il a dit que Firqat al-Ikhwan al-Muslimoun et Firqat al-Tabligh font partie des 72 sectes perdantes. Hein? Vous savez, le hadith où le messager, alayhi sallam, il a cité que donc, cette umma va se diviser en 73 sectes. Toutes ces sectes sont vouées au feu, sauf une, qui est de suivre Salaf Salih. الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل سنة الجماعة أهل الحديث السلفيون ils sont comme ça, ils ont donc des appellations différentes, mais ça renvoie à une même réalité. Donc le prophète, il a dit que donc 72 sectes vont apparaître dans la Ummah, 73 sectes vont apparaître dans la Ummah, 72 sont perdantes. Cheikh Ibn Baz rahimahullah, il a dit les frères musulmans et les tablir font partie de ces 72 sectes perdantes. Et Cheikh Abdelaziz Ibn Baz était le mufti général du royaume d'Arabie Saoudite. C'est un grand savant qui a reçu des alqab, des titres. Il a été qualifié comme étant Cheikh l'Islam. Il a été donc qu'il mérite le titre de Cheikh l'Islam. C'est-à-dire un grand savant, un érudit, un homme qui a vécu dans la science, qui était toujours dans la science. Il a atteint un degré immense dans la science. Oh, regardez comment Cheikh Nazmi, qui est un grand savant, un grand muhaddith, comment il parle de Cheikh Nubaz. On va voir dans un endroit, il lui a dit, c'est notre modèle, c'est notre exemple. Nous sommes derrière notre mufti. Nous sommes derrière notre grand savant de Nubaz. Hein? Cheikh Nubaz, rahimallah, il considère que ces groupes sont des groupes égarés. Ce sont des groupes qui font partie des 60 sectes, perdantes. Al-Halika, Al-Nariya, les sectes, c'est-à-dire vouées au feu. Parce que ces sectes vont se trouver dans le feu. Mais les individus, c'est-à-dire qui ont appartenu à ces sectes, peut-être qu'il y aura des gens qui vont échapper. Parce que lui, il était mahdou, il était trompé. alors qu'il avait de bonnes œuvres, etc. Mais il n'a pas su cela. Si on va regarder ses hasanats et ses sayyi'ats, il aura donc plus de hasanats. Wallahu a'lam, le jugement il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les groupes, le prophète il a dit kulluha finnar, toutes se trouveront en enfer. C'est-à-dire, en enfer, on doit trouver ses sexes. Parce que le prophète a dit kulluha finnar. Hein, la secte se trouvera en feu. Mais des individus, peut-être que des gens vont être sauvés, vont échapper à ceux-là. D'accord ? Très bien. Donc là, maintenant, je vais rentrer dans un autre point. Donc, je ne sais pas si vous considérez qu'il y a encore du temps, parce que lorsqu'on va rentrer ici maintenant, il va lui détailler donc 25 points qu'il reproche à cet homme. Je ne sais pas si on continue comme cela. Est-ce qu'il reste assez de temps pour le Maghreb? Et est-ce que vous voulez qu'on continue donc ce temps? Sinon, on reporte cela où il va détailler hein, les points. Maintenant, il va les résumer en 25 points. Donc, parce que donc moi, je préfère qu'on ne commence pas ces choses et on les coupe, hein, ou bien on les fait maintenant. Hein, jusqu'à, c'est-à-dire il y a quelques deux pages ici, cette page, hein, et celle-là, 24, hein, et le 25e point, il est ici, hein, sinon on s'arrête ici, et on reporte ce détail pour la prochaine fois. Oui. Il ne reste pas plus que 30 minutes. D'accord, Inch'Allah, donc on va nous suffire de cela. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit, c'est-à-dire parmi les gens de la sunna, hein, qui veillent toujours à s'attacher à la sunna, à suivre la sunna et non pas suivre donc le hawa, les passions, ou suivre les bidah, hein, ou suivre les passions, ou suivre les personnes, ou suivre les donc une secte inventée. Non, mais plutôt suivre la sunna. Et donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à Sheikh Najmi et aux savants qui ont montré cela et à tous les savants de la sunna qui ont défendu la sunna. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.